Livre 2, poème 2, Mes vers fuiraient. Mes vers fuiraient, doux et frêles, vers votre jardin si beau, si mes vers avaient des ailes comme l'oiseau. Ils voleraient, étincelles, vers votre foyer qui rit, si mes vers avaient des ailes comme l'esprit. Près de vous, purs et fidèles, ils accourraient, nuit et jour, si mes vers avait des ailes comme l'amour. Livre 2, poème 22, Aimons toujours. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour, c'est le cri de l'aurore. L'amour, c'est l'hymne de la nuit. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux mont, ce que l'astre dit au nuage, c'est le mot ineffable, aimons. L'amour fait songer, vivre et croire. Il a, pour réchauffer le cœur, un rayon de plus que la gloire, et ce rayon, c'est le bonheur. Aime, qu'on les loue ou les blâme, toujours les grands cœurs aimeront. Joins cette jeunesse de l'âme à la jeunesse de ton front. Aime, afin de charmer tes heures, afin qu'on voie en tes beaux yeux, des voluptés intérieures, le sourire mystérieux. Aimons-nous toujours davantage, unissons-nous mieux chaque jour. Les arbres croissent en feuillage, que notre âme croisse en amour. Soyons le miroir et l'image, soyons la fleur et le parfum. Les amants, qui, seuls sous l'ombrage, se sentent deux et ne sont qu'un, les poètes cherchent les belles. La femme, ange aux chastes faveurs, aime à rafraîchir sous ses ailes ses grands fronts brûlants et rêveurs. Venez à nous, beauté touchante. Viens à moi, toi, mon bien, ma loi. Ange, viens à moi quand tu chantes, et quand tu pleures, viens à moi. Nous seuls comprenons vos extases, car notre esprit n'est point moqueur. Car les poètes sont les vases où les femmes versent leur cœur. Moi qui ne cherche dans ce monde que la seule réalité, moi qui laisse fuir comme l'onde tout ce qui n'est que vanité, je préfère, au bien dont s'enivre l'orgueil du soldat ou du roi, l'ombre que tu fais sur mon livre quand ton front se penche sur moi. Toute ambition allumée dans notre esprit, brasier subtil, tombe en cendre ou vole en fumée, et l'on se dit, qu'en reste-t-il? Tout plaisir, fleur à peine éclose, dans notre avril sombre et terni, ses feuilles et meurt, lisse, myrte ou rose, et l'on se dit, c'est donc fini. L'amour seul reste. Ô noble femme, si tu veux dans ce vil séjour, garder ta foi, garder ton âme, garder ton Dieu, garde l'amour. Conserve en ton cœur, sans rien craindre, dusses-tu pleurer et souffrir, la flamme qui ne peut s'éteindre, et la fleur qui ne peut mourir.